La chronique du directeur général du club de golf de Saint-Prime, Junior Juno, est une présentation du garage Paul Dumas Buick GMC de Saint-Félicien, qui vous invite à faire un trou d'un coup avec sa vaste gamme de camions neufs et usagés, ainsi que des voitures d'occasion pour tous les budgets. Le garage Paul Dumas Buick GMC de Saint-Félicien au 762 Boulevard Sacré-Cœur au 418-679-1605. Tout le personnel et la direction du garage Paul Dumas désirent souhaiter une bonne saison à tous les golfeurs et golfeuses. On va parler avec notre ami Junior Juno, c'est la chronique du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean avec Junior. Salut Junior! Salut Danny! Junior, en fin de semaine, évidemment, c'est la grosse fin de semaine de l'année au club de golf, puis je pense qu'il y aura beaucoup d'activités, puis vous êtes quand même très agressif. Dimanche après-midi, le golf sera gratuit pour les citoyens de la MRC Domaine du Roi. Ouais, c'est effectivement une très grosse fin de semaine là, dans notre saison de golf. Là, oui, il y a d'autres événements là quand même d'importance, mais je te moi dire que celle-là c'est une très grosse fin de semaine. Ça débute jeudi de cette semaine, vendredi, samedi, dimanche. Bon, jeudi là. Tournoi autant amical que compétitif, là, tout dépendant des types de joueurs là, qui vont être réunis. C'est vraiment là, pour lancer le week-end. On est rendu tout près de 100, je dirais entre 110 et 120 golfeurs d'inscrits à cette journée-là. Qui va par la suite, après ce tournoi-là, bon souper pizza en collaboration avec le restaurant Midas de Saint-Félicien. On a aussi une compétition, là, une première, d'après moi, que tu vas avoir au Québec. Là, ça, c'est genre, ce genre de compétition-là, ça, je suis persuadé que ça n'a jamais été fait. C'est un speed golf. Okay. C'est en équipe de 4 joueurs, c'est de réussir de jouer le trou numéro 10 ici, là, mais le plus rapidement possible. Il y a une question de stratégie. Les 4 joueurs doivent jouer, ils jouent la même balle, mais ils doivent frapper leur coup. En tout cas, ça risque d'être fort spectaculaire. Puis c'est juste en avant de la terrasse. C'est que les gens vont pouvoir voir ça avec écran géant, avec chronomètre, avec animation. Fait que ça, c'est en fin d'après-midi, début de entre 16h30 et 17h. Avec ça, j'invite tout le monde à venir voir parce que c'est quelque chose qui s'est jamais fait. Qui risque d'être fort spectaculaire. N'importe qui peut s'inscrire en équipe de 4, là, un coût d'inscription de 4 de 20$, puis les équipes vont pouvoir réessayer. Fait que j'ai bien hâte de voir, là, comme je dis, c'est une première. Même j'ai vu sur YouTube, là, ça s'est fait avec des professionnels là, ailleurs. Là. Mais vraiment, ici au Québec, c'est sûr que ça s'est jamais fait. Fait qu'on a ça. Le soir, on a le repêchage pour l'Open le lendemain, le gros tournoi là, à Sand avec 176 joueurs là, d'inscrits. Oui, monsieur, okay. On est complet, c'est complet là, pour le tournoi, 44 équipes. Et à 20h, tournoi de poker au profit des Aigles, pas au profit des Aigles, mais au profit du programme junior ici, là, que Jonathan Lambert et Louis Lapierre disent. Les Aigles de Robert-Bas, c'est ça, les Aigles. Non, les Aigles, c'est pour ça, là, les Aigles, c'est pour samedi. C'est, c'est l'équipe de hockey, mais vendredi, jeudi soir. Ah oui, okay, les juniors, okay, tu parles tournoi de poker pour notre programme Excellence. Ouais. Pour les jeunes. Et puis, fait que ça, c'est ce qui clôt là, la première journée. Le lendemain, ben, toute la journée est réservée à l'Open, le tournoi avec les 44 équipes, 17 600$ en bourse. Okay. Aux différentes 3 équipes gagnantes. Ça va se poursuivre à 16h avec le tournoi NSOP, le tournoi de potting qui va avoir lieu sur notre verre de pratique. Il avait eu lieu il y a de ça quelques années. Le gagnant s'en va à Las Vegas, toute dépense payée pour le championnat mondial de potting. OK. Ça risque d'être aussi fort intéressant. L'organisateur de cet événement-là, le promoteur de ce qu'il y a trois qualifications au Québec, là, puis le promoteur Max Lalonde, qui est aussi le porte-parole de Golf Québec là, par le biais de Sortez Golfer, là, qu'on entend de plus en plus et qu'on voit sur les médias sociaux, va être présent ici autant jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Okay. Tout le long du week-end, animer des activités, va aussi prendre et faire une vidéo sur son week-end ici là, qui va être diffusé sur les médias sociaux. Alors ça risque de faire parler beaucoup de notre secteur puis du golf. Après ça, on a un show de Fred Fortin aussi vendredi soir dès 22h. Les gens peuvent venir. Il y a encore des billets disponibles. Il y a des billets à la porte de disponibles aussi. Alors ça risque d'être un autre gros, une grosse événement. On attend là, autour de 200, 225 personnes pour ce spectacle-là. Mm. Et le lendemain, bon, tournoi des Aigles avec Samuel Girard de l'Avalanche du Colorado qui va être ici présent. Les joueurs des Saguenayens vont être là aussi. Les Aigles, là, les équipes de hockey scolaire de la cité étudiante de Roberval, les profits vont à eux. On attend, eux attendent aux alentours, je pense, de 150 golfeurs. OK. Pour cette première édition, qui est quand même excellent. Là, on parle de 36 équipes. Eux, en soirée, vont souper avec tous les joueurs, etc., etc. Et le dimanche, ben, tu l'as dit tantôt, le dimanche matin, Fildé régional masculin, qui va se disputer ici dimanche matin. Par la suite, en après-midi, à partir de midi, bon, champ de pratique en folie, là, ouvert à tous gratuitement. Il va y avoir de l'animation, des jeux, concours. C'est ouvert vraiment à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un bon golfeur. Là. Il y a même un automobile là, qui va se promener là, sur le champ de pratique. Puis les gens vont être ils vont essayer de viser l'automobile qui va être en mouvement. Oui, c'est quoi le genre, là, on a toutes sortes d'activités pour s'amuser. C'est ouvert à la famille aussi. Et en après-midi, on ouvre le terrain gratuitement aux golfeurs de, comme je dis, de la population de la MRC Domaine du Roi, qui vont pouvoir là venir profiter du terrain pour un trou en famille ou non. Là, autant le premier neuf que le deuxième neuf, là, on veut faire profiter le plus de monde possible pendant de 13h à 17h. OK. Ce qui veut dire que les gens vont pouvoir là venir jouer, profiter du terrain, qui est en excellente condition d'ailleurs en passant. Fait que comme tu vois, là, c'est une grosse fin de semaine, beaucoup de préparation, beaucoup de d'organisation pour s'assurer que tout là se déroule bien, puis que tout soit sous contrôle là, tout au long du week-end, mais jusqu'à date, là, tout est correct, on est prêt à recevoir le monde, dans le coin, la température, puis les gens. Je sais pas ce qu'il annonce en fin de semaine. Je pense que c'est là, correct. On est mardi aujourd'hui. Puis moi, là, de recommencer déjà, tu sais, il annonce quoi, là, ça a le temps de changer 8 fois. Là. Ouais. Samedi, fait dimanche, c'est ciel variable. On va y aller avec ce qu'il va y avoir. Je me souviens au tournoi d'ouverture cette année, là, la veille du tournoi, on était le vendredi, il mouillait à Sio, il annonçait de la pluie toute la journée le samedi. Puis finalement, il n'y a pas eu de pluie, puis tout le monde est en mesure de jouer. Fait que moi, la météo, j'ai appris que, comme on dit, il n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que de mauvais vêtements. Ouais, c'est sûr. Il s'agit de s'habiller en conséquence, puis on va y aller, on n'a pas le contrôle là-dessus. Fait que faut vivre avec ça. Mais déjà, comme je disais là, bon, pour ce qui est du jeudi, du vendredi, du samedi, c'est booké, on a du monde, tout est plein. Ou à peu près, là, le poker qui a déjà énormément de monde d'inscrits aussi, le spectacle, il y a de la place encore pour le spectacle de Fred Fortin. Puis après ça, le dimanche, ben là, on ouvre à la population, fait que c'est d'en faire la promotion, puis c'est d'inviter le monde à venir nous rencontrer. C'est une belle occasion. Il va même avoir des compagnies de bâtons qui vont être sur place faire essayer des bâtons. Max Lalonde va toujours être là aussi au niveau de l'animation. Fait que comme tu vois là, ça risque de brasser tout au long du week-end. Puis moi en tout cas, je peux juste inviter les gens à venir voir à rigueur. Pas obligé même vendredi, la population peut venir voir le tournoi, se promener sur le terrain, il n'y a aucun problème non plus. Peut venir assister au tournoi de poting. Le tournoi de poting, c'est ouvert à n'importe qui. Pas besoin d'être un professionnel, pas besoin d'être un grand joueur. Poting, c'est pas compliqué. Et c'est là qu'on en est, mon cher ami. Hey, dis-moi, Junior, les 49 équipes, ça vient de où, hein? Les 44 équipes? Oui, 44 équipes, oui. Ça, c'est des joueurs qui s'inscrivent. Et il y a un repêchage. Jeudi soir, il y a un repêchage. Il y a 44 capitaines qui proviennent de partout dans la région. Il y a du monde même dans l'extérieur de la région. Okay. Et les 44 capitaines font comme un repêchage au hockey. Là, ils choisissent les joueurs en fonction de leurs forces pour compléter leur équipe de 4 joueurs. Mais c'est des golfeurs de partout au Québec. Il y a des gens d'ici qui s'en vont vivre à Québec, qui vivent à Québec ou Montréal. Mais là, ils descendent en fin de semaine pour le week-end golf, puis ils viennent jouer ce tournoi-là. Est-ce que tu sais si Pierre-Alexandre Bédard et Kevin vont être là? Non, ces joueurs-là ne sont pas là, c'est des professionnels. Les professionnels ne sont pas acceptés dans ce genre de compétition-là, c'est juste des joueurs amateurs. Ça fait pas mal le tour pour cette semaine? Oui, ça fait pas mal le tour. On sera en mesure dans les prochaines semaines de te donner un compte-rendu de... Oui, effectivement. De ce week-end-là qu'on espère, quand on parle d'innover, on parle de vendre, pas vendre le golf, mais de faire la promotion du golf, parler du golf, on en a une belle occasion, là. Effectivement, puis c'est une belle activité, puis c'est dynamique, c'est quoi, je pense, que c'est la 4e ou 5e édition, je pense qu'on fait ça. Oui, Effectivement, donc 4e et 5e édition, puis ça a toujours marché avec beaucoup de succès. On vous souhaite une belle température, tout dépend évidemment de la température, et on s'en reparle dans 2 semaines. Parfait, mon cher Danny. Voilà, Junior Junot, le directeur général du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean.